toujours de bonheur, jamais vraiment de mauvaise humeur. Se vide en arrosant les fleurs. Il vit bien son petit bonheur en ne regardant que les leurs. De ce monde, pas de peur. Jamais il a su voir venir ce qui laissait présager le pire. En infestant le dessous des ponts et jusque devant ta maison, c'est le fond. Une bande de couillons qui sont là contre l'immigration, plutôt pour l'extermination. Et sans rire, regardez bien, tu peux pas voir pire. Yéman, oulo, oulo, oulo. Dans une manif, tu t'es pointé avec ta N7 contre le FN. Face à eux, tu t'es retrouvé. C'est là qu'on choquait le quoi gamin, puis ils t'ont tabassé sous prétexte que tu musais à ITP. Il leur fallait bien trouver une raison pour décharger leur reine à poison. Jamais n'a su voir venir ce qui laissait présager le pire. En infestant le dessous des ponts et jusque devant ta maison, c'est le fond. Une bande de couillons qui sont là contre l'immigration, plutôt pour l'extermination. Et sans rire, regarde bien, tu peux pas voir pire. Yéman, oulou, oulou, oulou. Maintenant il s'en fout, il a atteint l'âge mûr. Il a une femme, des enfants, une voiture. Dans son village, que des blancs, bien sûr. Un immigré, viendrait-il gâcher? C'est cette vie-là qui est recherchée par de plus en plus de gens bornés dans le borgne. Le grand berger, c'est cela que l'on doit stopper.